Voici Guillermo Guise. Désolé pour le retard. Je suis désolé. Non, mais tout va bien. On est ça va, les amigos? L'autre jour, je lisais le courrier international. Voilà. Classe. Moi, je laisse un peu de temps pour qu'on profite bien de tous de cette information, quand même. Tu vois. Je le signale ici parce que je suis souvent vu comme quelqu'un de sympathique, mais intellectuellement, jamais vous mettez du respect sur mon nom ici. Hein. Pourquoi? Jamais. Parfois, bon. Lila, elle pose une question sur l'actu culturel, je donne la bonne réponse, et dans vos yeux, c'est même pas de la surprise, c'est de l'effroi. Vraiment. Vous êtes là, Ernesto, c'est toi? Il est possédé! Il est possédé! Donc, je lisais le courrier international et je tombe sur un article intitulé Travailler moins pour vivre heureux. Et là, je me dis, chouette, un papier sur le parcours de Nagui, tu vois. Nagui, dans le métier, il est considéré comme un énorme branleur. Quoi. J'en parlais avec Laurence Boccolini. Oui, elle a dû prendre une de ses émissions. Tellement Nagui, moins il en fait, mieux il se porte. Quoi. Fainéant. Si vous avez de la chance, Lionel, monsieur, accepte encore venir une heure et demie par jour sur France Inter, mais à France 2, il l'appelle rien foutre. Hein. Vraiment, toi. Non, l'article, c'était un entretien avec un anthropologue sud-africain qui, d'après lui, nos ancêtres, chasseurs-cueilleurs, ils travaillaient beaucoup moins que nous, mais ils étaient beaucoup plus heureux. Et honnêtement, je crois qu'il bluffe, Martoni, parce que je crois qu'il ne sait pas vraiment cet anthropologue. En tout cas, je ne vois pas comment cet anthropologue il peut affirmer que tous les gens étaient heureux il y a 13 000 ans. Quoi. Peut-être qu'il a trouvé des peintures rupestres avec écrit « Comment on est bien !» On a tout, sécurité sociale, plein d'emplois, on a tout. Mais non, comment tu fais pour évaluer l'état d'esprit des gens qui ont vécu il y a 130 siècles? Déjà, moi, aujourd'hui, je vais chez le psy, il me fait « Comment vous sentez ?» Je suis là « Ah, frérot, c'est complexe !» Vous êtes heureux? Ah, il y a une partie de moi qui est heureuse, il y a une partie de moi qui a envie de crever dans un beer pong. Quoi. Vraiment, tu vois, donc, en gros, la théorie de se chercher, c'est que nos ancêtres, ils travaillaient entre 15 et 17 heures par semaine, point barre. Quoi. Le reste du temps, bah, ils jouaient à la plaie. Quoi. Ils jouaient à la plaie. Il y a des archéologues qui sont tombés sur un vestige de FIFA moins 13 000, à l'époque où le foot se jouait encore avec un hérisson. Et en moins 13 000, il n'y avait même pas la VAR. Hein. Franchement, c'était le vrai foot, ça. By the way, sur les parois d'une grotte, on a retrouvé les classements de la Coupe du Monde au Paléolithique. Pas de traces de la France. Hein. Alors que la Belgique, on a gagné la Coupe du Monde en moins 14 056, moins 14 052, moins 14 048. 3 étoiles d'affilée. Ça, c'était jamais vu dans la préhistoire du football. Prends ça, Didier Deschamps. Mais bref. L'interview était assez passionnante sur la place irrationnelle qu'on donne au travail dans nos sociétés. Quoi. Nos ancêtres, ils travaillaient juste assez pour se nourrir dans la journée. Quoi. Si tu reportes ça à l'époque moderne, quelqu'un comme Daniel Morin, il travaille pour avoir mangé pendant les 900 prochaines années. Quoi. Franchement, il fait 14 chroniques par semaine. Est-ce que ça le rend heureux? Ah si oui, il le cache tellement bien. Il y a des vipères aspiques qui ont le sang plus chaud que Daniel. Quoi. Le matin, tu dis ça va Daniel, tu fais toi fils de pute. Vraiment, c'est vrai ou pas? C'est vrai ou pas? Malheureusement, c'est vrai. Aujourd'hui, 9 fois sur 10, les gens, ils sont obligés de bosser pour leur salaire, et même s'ils ne trouvent pas de sens à ce qu'ils font. Quoi. Tu vois, et souvent, le salaire, il sert à acheter des trucs qu'on n'a pas réellement besoin pour faire tourner la roue du capitalisme. Et je tiens à remercier Thomas Piketty qui a relu mon texte et il m'a dit chapeau, mais la finesse de cette analyse politique. Il m'a dit... Je sais, Thomas, je suis quand même quelqu'un qui lit le courrier international. Alors, je laisse un peu de temps. Donc, du coup, je me suis intéressé à la question du temps de travail dans la campagne présidentielle, et j'ai lu que Philippe Poutou proposait la semaine de 28 heures sans perte de salaire. Question, pourquoi personne ne veut voter pour lui? Allez, il propose de travailler moins et de gagner autant. C'est gentil, non? Allez, c'est gentil. Pas, c'est gentil. Je trouve ça, c'est gentil, quoi. Moi, si tu me dis, tu fais une chronique par mois et tu gagnes autant, mais je te suce un orteil, je te rogne un ongle. Ce que vous voulez, Leïla, franchement. Non, je vous raconte une histoire, je vous fais une couleur, je souffle dans un poisson. Couleur. En vrai, je capte pas pourquoi un mec comme Poutou, qui a l'air honnête, il a l'air droit, il propose quand même des trucs gentils. Ça fait pas plus rêver les gens, quoi. On va me dire, ouais, parce que c'est irréaliste. Mais en France, t'annonces que tu vas renvoyer 2 millions d'étrangers, tu fais 15%. C'est plus réaliste, peut-être. Tu vois, c'est vrai. Alors, ça, c'est pas marrant, mais c'est bien qu'on analyse, non? C'est joli. Je sais, en ce moment, j'ai le courrier international. Je sais pas si je vous ai déjà dit. Si je vous ai déjà dit. Non, mais le problème de la baisse du temps de travail, c'est que le temps, ça coûte cher, quoi. Tu vois, à rien faire, le temps libre, ça coûte cher. Si je faisais pas cette chronique, là, je serais en train de boire un café à 3,50€. J'irais au ciné pour 12 euros. Je montrais à Poney pour 160€. Ouais. Et encore, ils me font des prix au manège à Poney. Ils m'ont dit, ouais, les amis de rien foutre, c'est mes amis aussi. Allez, bonne émission. Merci, Guillermo. Guillermo Guise, qui vient de lire le courrier international, je ne sais pas si vous êtes au courant. Fils de pute. Mais ça va pas, non.